Charles Dickens, le magasin d'antiquités. L'auteur anglais au public français. Il y a longtemps que je désirais voir publier en français une traduction complète et uniforme de mes œuvres. Jusqu'ici, moins heureux en France qu'en Allemagne, je n'ai pu être connu des lecteurs français qui ne sont pas familiarisés avec la langue anglaise que par des traductions isolées et partielles, publiées sans mon autorisation et sans mon contrôle, et dont je n'ai tiré aucun avantage personnel. La présente publication m'a été proposée par Messieurs Hachette et compagnie et par Monsieur C.H. Lahure dans des termes qui font honneur à leur caractère élevé, libéral et généreux. Elle a été exécutée avec le plus grand soin et les nombreuses difficultés qu'elle présentait ont été vaincues avec une habileté, une intelligence et une persévérance peu communes. Elle a surtout été dirigée par un homme distingué qui possède parfaitement les deux langues et qui a réussi de la manière la plus heureuse à reproduire en français, avec une fidélité parfaite, le texte original, tout en donnant à sa traduction une forme élégante et expressive. Je suis fière d'être ainsi présentée au grand peuple français, que j'aime et que j'honore sincèrement. À ce peuple, dont le jugement et le suffrage doivent être un but d'ambition pour tous ceux qui cultivent les lettres. À ce peuple qui a tant fait pour elles et à qui elles ont valu un nom si glorieux dans le monde. Cette traduction de mes œuvres est la seule qui est ma sanction. Je la recommande en toute humilité respectueuse, mais aussi en toute confiance à mes lecteurs français. Charles Dickens, Londres, 17 janvier 1851. Address of the English author to the French public. I have long been desirous that a complete French translation of the books I have written should be made and should be published in an uniform series. Hitherto, less fortunate in France than in Germany, I have only been known to French readers, not thoroughly acquainted with the English language, through occasional, fragmentary and unauthorized translations, over which I have had no control and from which I have derived no advantage. The present translation of my writings was proposed to me by Messrs. Hachette and Co. and C.H. Lahure in a manner equally spirited, liberal and generous. It has been made with the greatest care, and its many difficulties have been combated with unusual skill, intelligence and perseverance. It has been superintended, above all, by an accomplished gentleman, perfectly acquainted with both languages, and able, with a rare felicity, to be perfectly faithful to the English text while rendering it in elegant and expressive French. I am proud to be so presented to the great French people, whom I sincerely love and honor, and to be known and approved by whom must be an aspiration of every laborer in the arts, for which France has done so much, and in which she has made herself renowned through the world. This is the only edition of my writings that has my sanction. I humbly and respectfully, but with full confidence, recommend it to my French readers. Charles Dickens, Tavistock House, London, January 17, 1857.